ce qui risque d'être un sujet en développement au conseil d'administration, notamment, quoi. Bien, je vous propose ce qu'on avait appelé un petit tour de table, mais c'est vraiment chacun intervient un peu comme ça lui vient et s'il a envie, sur le fonctionnement des institutions CA et CS depuis un an, c'est ça? Et une évaluation peut-être de comment marche une démocratie, présentation des personnels de recherche, des chercheurs, des différentes catégories, la démocratie au sein de l'école.